إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on a donc parlé dans l'assise d'hier de la noblesse du Coran et de certains mérites de sa lecture. On va voir dans l'assise d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, quelques règles de bienséance relatives à la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on l'a dit hier, le Coran est un livre immense. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc obligatoire de respecter son livre, de le révérer et de se préparer de la meilleure des manières lorsque tu souhaites le lire. La première chose, lorsque tu souhaites lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de purifier ton intention. C'est-à-dire que tu ne recherches par ta lecture que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu voues cet acte sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la lecture du Coran est une adoration. Et toutes les adorations doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu recherches à travers ta lecture et ta récitation du Coran l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu espères sa récompense à travers cela. Tu ne lis pas le Coran pour qu'on dise de toi que tu es un lecteur. Tu ne lis pas le Coran pour qu'on dise de toi que tu as une belle récitation. Tu ne lis pas le Coran pour rechercher les éloges et les compliments des gens. Mais tu lis le Coran pour rechercher l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le premier point. Deuxièmement, parmi les règles de bienséance relatives à la lecture du Coran, pour celui qui lit à partir du mushaf, il y a le fait de lire en état de pureté. C'est-à-dire que tu accomplisses les ablutions pour lire le Coran. Et ceci est recommandé. Et il est permis à l'unanimité des savants de réciter le Coran sans les ablutions. Et la divergence, elle concerne seulement le fait de toucher le mushaf en état d'impureté. La majorité des savants considèrent qu'il n'est pas permis de toucher le mushaf en état d'impureté. Et ils se sont servis comme preuve de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « La yamassuhu illa al-mutahharun » « Ne le touche que les purifiés » ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ne touche le Coran qu'un purifié, une personne pure ». Ils se sont donc servis comme preuve de cela pour dire qu'il n'est pas permis à celui qui n'est pas en état de pureté de toucher le mushaf et qu'il est obligatoire pour lui de faire des ablutions. Et par conséquent, à plus forte raison, ils ont dit qu'il n'était pas permis à celui qui est en état d'impureté majeure, comme celui qui est en état de janaba ou la femme qui a ses menstrues, de toucher le mushaf. Ceci est donc l'avis de la majorité des savants. Cependant, certains savants ont mentionné une autre explication quant à ce verset et ce hadith. En effet, l'imam Malik rahimahullah ta'ala a expliqué que le sens du verset ne le touche que les purifiés, que ce qui est visé par les purifiés, ce sont les anges. Et que ce qui est visé également, c'est le Coran sur les tablettes préservées, l'awh al-mahfouz, et non pas le mushaf. Donc, ceci n'est touché que par les purifiés, c'est-à-dire que par les anges. Quant au hadith, ne le touche qu'une personne pure, l'imam al-Shawkani rahimahullah a dit, c'est-à-dire, ne le touche que le muslim. Comme il est venu dans un hadith rapporté par Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le muslim ne devient pas impur. Donc ce qui est visé par ce hadith, c'est que ne le touche que le muslim et qu'il n'est pas permis aux non-musulmans de le toucher. Et cet avis, il a été soutenu à notre époque par deux grands savants qui sont l'imam Al-Albani rahimahullah ainsi que l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Par conséquent, ils ont dit qu'il est permis à celui qui n'est pas en état de pureté de toucher le mushaf et de lire le Coran. Et également, il est permis à la femme en état de menstrue ou de loquer après un accouchement de toucher le mushaf et de le lire. Et notamment durant le mois de Ramadan. Et les savants ont fait la distinction entre la femme en état de menstrue et celui qui est en état d'impureté majeure, en état de janaba. En effet, celui-ci, il lui est possible d'accomplir son lavage et de se purifier. Alors que la femme en état de menstrue, il ne lui est pas possible de se purifier jusqu'à ce que s'arrête l'écoulement du sang. Il est donc permis pour elle de toucher le mushaf et de lire le Coran, surtout en ce moment méritoire de Ramadan. Donc en résumé, il est permis à la personne en état d'impureté de toucher le mushaf et de le lire, mais il est meilleur et préférable de ne le lire qu'en état de pureté. Donc celui qui a la possibilité de faire ses ablutions afin de lire le Coran, alors il est préférable pour lui de le faire, et ce par respect envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celle qui ne peut pas se purifier, comme celle en état de menstrue ou celle en état de loki, alors il lui est permis de toucher le mushaf et de le lire. Troisièmement, parmi les règles de bienséance relatives à la lecture du Coran, il y a le fait que tu le lises avec le cœur présent et que tu te concentres lors de sa lecture. Et pour cela, il t'est recommandé de choisir un endroit calme pour le lire, comme le fait que tu t'isoles dans une pièce afin de trouver le calme et que tu puisses te concentrer lors de la lecture. Également, il t'est recommandé, lors de ta lecture, de mettre ton téléphone en silencieux afin de ne pas être importuné par des appels ou des nombreux messages qui vont te déranger dans ta lecture et qui t'empêcheront de te concentrer. En plus de te retarder, ils vont te déconcentrer et tu ne seras plus concentré sur ce que tu lis. Ton cœur ne sera plus présent, car tu seras souvent interrompu lors de ta lecture. Donc il t'est recommandé de choisir un endroit calme pour lire, de t'éloigner de ton téléphone ou de le mettre en silencieux, et ce afin que tu sois concentré et que tu lises avec ton cœur et non pas seulement avec tes yeux et ta langue. Quatrièmement, parmi les règles de bienséance relatives à la lecture du Coran, il y a le fait que tu cherches refuge auprès d'Allah contre le diable banni au début de la lecture. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Et ceci est très important. Et tu dois prendre conscience que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu dis أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Je demande protection à Allah contre le diable banni. Car lorsque tu vas pour lire le Coran, il n'y a pas de doute que le diable va chercher à te distraire. Il va chercher à te détourner de ta lecture. Il va chercher à te déconcentrer et il va chercher à t'empêcher de méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu cherches protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va alors le détourner de toi. Et ce, afin que tu puisses profiter de ta lecture. Sinon, le diable viendra à toi et il va t'insuffler différentes pensées afin de te déconcentrer et te détourner de la lecture. Et ceci est donc le profit et l'intérêt de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de commencer à lire, c'est-à-dire de rejeter le diable et de le repousser de toi afin que tu puisses te concentrer. Également, parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, il y a le fait de dire la basmala au début de chaque surat en disant Bismillahirrahmanirrahim. Car la basmala, elle a été révélée au début de chaque surat, sauf surat at-Tawbah, le repentir. Donc, lorsque tu lis le Coran et que tu commences une surat par son début, alors tu dis Bismillahirrahmanirrahim, sauf pour surat at-Tawbah, que tu commences à réciter par son premier verset. Cependant, il est important de souligner que ceci est légiféré seulement au début de la surat. Mais si tu commences la lecture au milieu d'une surat, alors tu dis simplement أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Également, parmi les règles de bienséance relatives à la lecture du Coran, il y a le fait de te prosterner lorsque tu lis un verset dans lequel la prosternation est légiférée. Et c'est ce qu'on appelle sujud at-tilawa, la prosternation de la récitation. Donc lorsque tu lis un verset dans lequel il y a une prosternation, alors tu fais le takbir, tu dis Allahu Akbar, tu te prosternes. Tu dis les formules d'évocation légiférées durant le sujoud comme Subhana Rabbi al-A'la et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu te relèves sans faire le takbir ni le salam, car ce n'est pas une prière. Et il n'est pas conditionné de faire cette prosternation en direction de la Qibla. Si tu la fais en direction de la Qibla, c'est une bonne chose, mais tu peux la faire en toute direction. Également, ce n'est pas une condition d'être en état de pureté, mais il est permis de la faire même si tu es en état d'impureté. Car ce n'est pas une prière. Donc il n'est pas une condition d'être en état de pureté. Et il est même permis pour la femme en état de menstrue de faire cette prosternation si elle lit un verset dans lequel il y a une prosternation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait lorsqu'il lisait un verset dans lequel il y avait une prosternation. Et ceux qui l'écoutaient parmi ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, se prosternaient avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit « Celui qui n'a pas ses ablutions, qu'il ne se prosterne pas. » Ou « Celui qui n'est pas en état de pureté, qu'il ne se prosterne pas. » Et si c'était une condition, alors il leur aurait dit « Sallallahu alayhi wa sallam. » Il est donc permis de se prosterner lors d'une prosternation de récitation, même si tu n'es pas en état de pureté. Et comme vous l'avez vu, cette prosternation, elle est légiférée pour celui qui lit, mais également pour celui qui l'écoute. Donc, si tu es en train d'écouter quelqu'un qui récite le Coran et qu'il se prosterne lorsqu'il arrive à une prosternation de récitation, alors tu te prosternes avec lui. Également, parmi les règles de bienséance relatives à la lecture du Coran, il y a le fait de le psalmodier en le récitant lentement et clairement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » et récite le Coran lentement et clairement. Donc tu dois prendre ton temps lors de la lecture du Coran et tu ne dois pas t'empresser. Tu dois donner à chaque lettre son droit. Et si tu en as les capacités, tu appliques les règles de tajwid. Mais ce qui est important, c'est que tu lises le Coran verset par verset, en t'appliquant, en t'arrêtant à chaque début de verset et en donnant à chaque lettre son droit. Et que tu ne lises pas le Coran à toute vitesse, en t'empressant au point de manger des lettres ou de manger même des mots parfois. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est interdit. Il est interdit de lire le Coran à toute vitesse au point d'en manger des lettres ou d'en manger des mots. Mais tu dois t'appliquer dans la récitation et réciter le Coran lentement et clairement. Et éviter les fautes lors de la prononciation des lettres, lors de la prononciation des voyelles. Mais tu dois lire le Coran tel qu'il est écrit sur ton mushaf, en t'appliquant, en prononçant les bonnes voyelles sans les mélanger. Parmi les choses légiférées également, il y a le fait d'enjoliver ta voix lors de la lecture du Coran, que tu lises avec une belle voix, autant que tu peux. Car lorsque tu enjolives ta voix lors de la récitation, ceci incite même à son écoute. Ainsi, le lecteur lui-même, il va tirer plaisir de sa lecture et également celui qui l'écoute. Également, parmi les règles de bienséance relatives à la lecture du Coran, que tu prêtes attention aux gens qui sont autour de toi. Il se peut qu'il y ait autour de toi des gens qui dorment, si tu lis la nuit, ou si tu lis au moment où des gens font la sieste chez toi. Ou alors, il peut y avoir d'autres personnes qui lisent le Coran, ou des personnes qui prient. Donc, tu ne dois pas élever la voix au point de gêner les gens qui sont autour de toi, mais tu élèves seulement la voix afin de t'entendre toi-même et de ne pas gêner les autres. C'est-à-dire que tu récites de sorte à t'entendre et de ne pas gêner un autre lecteur qui est à côté de toi ou une personne qui dort ou qui prie ou autre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Vous vous adressez tous à votre Seigneur. N'élevez donc pas la voix les uns sur les autres. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc interdit d'élever la voix au point de nuire à ceux qui sont autour de toi. Et à partir de cela, on voit l'erreur que font certaines personnes qui lisent le Coran à voix haute dans les mosquées, empêchant ainsi les autres fidèles de s'asseoir et de pouvoir lire tranquillement. Et il en est de même lors de la prière. Si tu accomplis la prière de nuit et qu'il y a des gens qui dorment autour de toi ou d'autres qui lisent le Coran, alors tu ne dois pas élever la voix au point de leur nuire et de les déranger. Mais tu récites de sorte à t'entendre et de sorte que ceux qui t'écoutent puissent t'entendre également sans porter préjudice aux autres personnes qui sont autour de toi. Enfin, parmi les règles de bienséance relatives à la lecture du Coran et parmi les choses les plus importantes, comme on l'a dit dans l'assise d'hier, le fait de méditer le Coran et de chercher à comprendre ses sens et de tirer profit de ses exhortations et de réfléchir sur ce que tu lis. Comme on l'a dit, la finalité, ce n'est pas que tu clôtures la lecture du Coran et que tu passes sur ces versets à toute vitesse. Mais l'objectif, c'est que tu tires profit de ta lecture, que tu tires profit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu médites sur ses sens, que tu tires des leçons de ta lecture, et ce, autant que tu en as les capacités. Et certes, celui qui a une bonne attention et qui cherche à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherche à la méditer, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite cela. Il lui facilite le fait de tirer profit des versets du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans son noble livre, nous incitant à la méditation de ces versets, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Dans le Coran, lorsque tu lis, tu verras qu'il y a des versets qui sont clairs, que tout le monde peut comprendre, le savant comme l'étudiant ou même la personne du commun. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque le feu de l'enfer, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque le paradis, lorsqu'il mentionne certains châtiments que vont subir les gens de l'enfer, certains délices dont vont profiter les gens du paradis, l'interdiction de riba, l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la fornication, l'interdiction du mensonge et de la tromperie, tout ceci est présent dans le Coran. Également, l'ordre d'accomplir la prière, l'ordre d'acquitter la zakat, l'ordre de jeûner, l'ordre d'accomplir le pèlerinage, tout ceci est présent dans le Coran de manière claire. Et celui qui lit le Coran, il comprend le sens de ces versets. Car le Coran, il a été révélé dans une langue arabe claire. Donc, toute personne qui comprend la langue arabe, il comprend le sens de ces versets. Et ce, selon les compréhensions de chacun et selon les capacités de chacun. Que la personne soit un étudiant ou une personne du commun, il peut tirer profit des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il médite sur sa lecture, alors il va tirer de nombreux bénéfices. Et il n'y a pas de mal à céder pour cela des tafasir du Coran, des exégèses du Coran, et notamment, parmi les plus simples et les plus concis, l'exégèse de l'imam al-Si'di, rahimahullahu ta'ala. Donc, tu peux revenir au tafsir pour t'aider à comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, il y a de nombreuses choses qui sont claires et dont toute personne peut tirer des leçons et des bénéfices. Quant aux règles précises, aux jugements précis mentionnés dans le Coran, il y a certes certaines choses qui font partie des spécificités des savants. Chacun tire des bénéfices du Coran selon ses capacités. La personne du commun, l'étudiant et le savant, chacun auteur de ses connaissances. L'important, il faut retenir, c'est que le musulman, il doit méditer sur le Coran. Il doit réfléchir sur le sens des versets qu'il lit, et ce, autant qu'il en a les capacités. Ceci était donc quelques règles de bienséance relatives à la lecture du Coran. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à mettre en pratique ces règles et à les appliquer de la meilleure manière. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la multiplication de la lecture de son livre en ce noble mois, tout comme je lui demande de nous faciliter sa méditation et sa compréhension et bien sûr sa mise en pratique. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً